الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبفضل الله تعالى وبرحمته وبمنه علينا سندخل اليوم في فصل جديد وهو السادس بعنوان آداب التعامل Beina al-Mu'minin. Donc aujourd'hui, on rentre dans un nouveau chapitre. Après avoir terminé le dernier, qui était le cinquième, qui était Saint comportement islamique, là on va rentrer dans le sixième, qui est le comportement, des comportements dans le relationnel entre croyants. D'accord ? Dans les rapports, les échanges entre croyants. C'est un bab qui est très important, dont le musulman en a besoin au quotidien, que cela soit à la maison, dans son foyer, avec sa famille, que cela soit à l'extérieur, avec la société, que cela soit avec les proches, membres de sa famille également, que cela soit avec les voisins, et ce qui s'ensuit, dans le commerce, au travail, même dans ceux qui, dans la circulation, dans la voiture, ceux qui conduisent. Dans toute situation, il y a un comportement noble à adopter. D'accord ? Et à savoir que le musulman doit se rappeler qu'il est responsable. Le musulman porte en lui la religion d'Allah Azzawajal. Donc, où qu'il soit et en toute situation, il doit se sentir responsable et savoir qu'il porte avec lui le haqq. Donc, il ne peut se permettre d'agir n'importe comment. Il n'est pas monsieur de tout le monde. Il est un croyant, il est un serviteur d'Allah Azzawajal. Il est une personne comme une forme d'ambassadeur de la religion. Donc il se doit de faire en sorte que sa religion soit respectée, soit attirante selon les règles, sans faire de concessions non plus, et en donner la mettre sur son meilleur jour, mais dans les limites prescrites, bien évidemment, sans innover, et sans, comme on l'a dit tout à l'heure, faire des concessions, c'est-à-dire se mettre à transgresser dans le but d'attirer les autres. Ça, c'est une chose qui n'est pas demandée. D'accord ? Et il n'y a aucune dureté à appliquer la religion au moment opportun. Car il y a des gens, des fois, ils font des concessions en religion, des choses qui sont interdites, pour dire oui, mais si je fais ça, on va dire que je suis dur, ça va faire fuir les gens. On va dire, Allah Azzawajal ne t'a pas demandé d'attirer les gens, t'as demandé d'appliquer sa religion. Donc ce qui est halal, tu peux le faire, ce qui est recommandé, on t'encourage à le faire, ce qui est wajib, tu dois le faire, et ce qui est haram, tu le délaisses, ce qui est makrouh, tu t'en éloignes comme tu peux, et ainsi de suite. يقول قل الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب والصحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dans le Coran, Allah عز وجل dit: et adorez Allah et ne lui associez rien. Et faites preuve de bienfaisance envers les parents, ainsi qu'envers les proches, c'est-à-dire les proches et membres de la famille, envers les orphelins, envers les pauvres, envers le voisin de proximité, le voisin qui est un proche familial, le voisin qui est à proximité, et envers celui qui vit à tes côtés, c'est-à-dire soit il s'agit là du conjoint ou il s'agit là du compagnon de voyage, selon les tafsirs donnés par les exégètes. Et également, Ibn Sabil, d'être bienfaisant envers le voyageur qui s'est perdu en route, qui n'a plus les moyens de le dépenser. Et également, ce que vos mains possèdent, c'est-à-dire envers les esclaves, lorsque cela est réalisable, bien sûr, ce qui n'est pas le cas de notre époque, et envers même les animaux que l'on possède. Et que Allah n'aime pas tout orgueilleux, toute personne orgueilleuse et hautaine, vantarde. Donc là, ce verset, Allah commence par la chose essentielle, qui est le meilleur comportement, le plus important qui soit, c'est le tawhid. D'adorer Allah et de ne rien lui associer. Une personne qui n'a pas de tawhid n'a aucun comportement. Car le principal comportement à avoir, c'est celui qu'on doit rendre à notre Seigneur. Ça, c'est à bien retenir. Et une personne qui aura le tawhid, cela va impliquer qu'elle aura forcément, en craignant Allah, lui rendant son droit, elle fera en sorte de rendre le droit à ses créatures. Donc les gens ont meilleur comportement, réel, concret, pas les hypocrites, pas les acteurs, pas les comédiens, d'accord ? Pas les faux semblants. Ce sont les gens qui ont le tawhid. Et ce tawhid va amener en toi un besoin d'agir correctement dans la mesure du possible avec les autres, que ce soit les croyants ou autres que les croyants. Et de ne rien lui associer. Rien. Voilà tushriku bihi shay'a. Il dit l'auteur dans le charh. Voilà tushriku bihi shay'a. La nabiyya. ولا ملكا ولا وليا بل ولا امرا من امور الدنيا فلا تجعل الدنيا شريكا مع الله. Il a dit qu'il ne faut rien associer à Allah. Rien du tout. Ni un prophète, ni un ange, ni un wali, ni aucune chose qui soit relative à la dunya. D'accord ? Car si jamais tu donnes trop d'importance à cette dunya, comme il dit, cela peut en faire un associé à Allah Azzawajal. Wa l'insan iza kana hammuhu ad-dunya kana 'abidan laha. Que si la personne attache trop d'importance à la dunya, elle en deviendra un serviteur de cette dunya. Donc Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ta'isa 'abd ad-dinar, ta'isa 'abd ad-dirham, ta'isa 'abd al-khamila, ta'isa 'abd al-khamisa. Il a dit que soit que périsse le serviteur des dinars, le serviteur des dirhams, le serviteur des vêtements ou des étoffes luxueuses, c'est-à-dire les choses de la dunya. Car aujourd'hui, les gens se battent et ne voient la valeur des autres qu'à travers la dunya. Comment ils s'habillent, les marques qu'ils portent, la voiture qu'ils conduisent, sa maison, son salaire, d'accord ? Et les gens ne voient qu'à travers cela. Cela va de leur paire de chaussures jusqu'à leur couvre-chef. Que tout doit être une chose de marque et de valeur. Pourquoi ? Car c'est par cela qu'ils se reflètent et qu'ils pensent avoir de la valeur. Les gens arrivent même à faire des... Et principalement les femmes, même à changer leur corps pour se donner une valeur aux yeux des gens. Ils en arrivent à changer la créature d'Allah Azzawajal, la création d'Allah Azzawajal, insatisfaits de leur corps et de leur allure pour pouvoir plaire à la créature. Car les gens ne reflètent leur valeur qu'à travers l'esthétique, le superficiel et le matériel, malheureusement. Et non pas à travers la taqwa. Comme encore la ta'ala, « Inna akramakum indallahi atqakum » que le plus noble auprès d'Allah parmi vous est celui qui le craint le plus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui, malheureusement, ce n'est pas la base des gens actuellement. Et même des musulmans, hein, je parle. Hein. Même des musulmans. Les musulmans sont devenus très accrochés à la dunya. Extrêmement accrochés à la dunya. À tel point que certains ont fait que la dunya passe devant leur dîn et ils font que leur dîn est secondaire. Ça veut dire d'abord la dunya et après la religion. Comment des gens en arrivent à retarder leur salawat le soir ? C'est parce que c'est la dunya. Comment des femmes en arrivent à enlever leur hijab ? En général, c'est pourquoi ? C'est pour la dunya. Comment des gens en arrivent à gagner de l'argent qui est haram ? C'est pourquoi ? C'est pour la dunya. Et ainsi de suite. Tout pour la dunya. Dans le Coran, elle a dit « Zalika bi anna mustahabu al-hayat al-dunya al-akhirah wa anna allaha la yahdi al-qawm al-kafirin » Et cela du fait qu'ils ont préféré la vie de ce bas monde sur l'au-delà et que Allah ne guide pas un peuple de mécréants. Ça veut dire que aimer la dunya au-dessus de la religion peut te faire sortir de la religion. Donc on doit craindre Allah Azzawajal en toutes circonstances, en toute situation, et se rappeler que le aham ou ad-din, vaut mieux pour toi que tu sois un clochard mouahid muslim, que tu sois un homme milliardaire richissime, qu'il ne soit pas sur le dîn. J'extrapole quand je dis ça. Je ne dis pas aux gens de devenir des clochards. Mais vous faire comprendre la chose telle qu'elle est. D'accord ? Car ce qui va rentrer au Jannah, ça ne va pas être tes richesses. D'ailleurs, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, An al-mayyit yadba'u thalatha. Wa yarji' isnan yabqa wahid. Que le mort, lorsqu'on va l'enterrer, trois choses le suivent. Une reste avec lui et deux reviennent. Lorsque le mort, on l'emmène dans le Makbara, dans sa tombe, il est suivi par sa famille. Il est suivi par ses biens. Il est suivi par ses actes. Lorsqu'on l'enterre, ses actes restent avec lui et ses biens et sa famille repartent. D'accord ? Sa famille repart. Sa femme, s'il est marié, s'il était marié, elle va se remarier. Ses enfants, ils vont grandir, vont faire leur vie. Et ses biens sont distribués, soit par l'héritage, ou ils vont... Voilà. Qu'est-ce qui va rester avec lui ? Ses actes. Est-ce que ses belles choses seront avec lui ? Non. Est-ce que sa belle voiture sera avec lui ? Non. Est-ce que son salaire sera avec lui ? Non. Est-ce que son appartement, sa voiture, son pavillon ou je sais quoi, son compte en banque vont rester avec lui ? Non. Ce qui peut rester de cela, c'est ce qu'il aura laissé comme aumône courante. Et ainsi de suite. Sans quoi, dans sa tombe, ça ne va pas rentrer avec lui. Il sera interrogé, par contre, comment il a obtenu ces choses-là. Et dans quoi il les a dépensées. Ça, oui. Sans quoi, ce qui va rester dans sa tombe avec lui, ce sont ses actes. Donc, c'est ça qui donne la valeur aux croyants. Ses actes. Et ses actes, bien sûr, qui ont été faits sur l'ikhlas, sur la sincérité. Donc, dans ce verset, Allah nous rappelle de l'adorer et de ne rien associer et d'être bienfaisant envers les parents, comme cela va venir dans les hadiths, et envers les orphelins, et envers les pauvres, et envers les voisins, qu'ils soient des voisins proches parents ou des voisins, simples voisins, qui habitent à côté, à proximité, et même si ce serait des koufars. D'être bienfaisant envers notre conjoint, notre épouse, ou envers celui qui voyage avec nous. Et être bienfaisant en ce que nous possédons parmi les créatures, entre autres les animaux si on en a, parmi ce qui est halal bien sûr, et pour, à l'époque, ou peut-être dans le futur, ceux qui ont des esclaves. Et il finit le verset en disant dans le sens que Allah n'aime pas les gens hautains et orgueilleux. Car les gens hautains et orgueilleux sont des gens qui se croient au-dessus des autres. Et quand tu te crois au-dessus des autres, eh ben tu méprises les autres. C'est mépriser les gens. C'est rejeter la vérité. Et ça, être orgueilleux chez l'homme, et c'est cela, est un vilain défaut. Parmi les pires défauts qui soient. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La yatrou l'jannah man kana fi qalbihi qui n'aura dans son cœur ne serait-ce que le grain de moutarde d'un atome. » Celui qui a un grain de moutarde d'atome dans son cœur, d'orgueil, ne rentrera pas au Jannah. C'est-à-dire qu'il ne rentrera pas avec les premiers. Car en réalité, avoir de l'orgueil n'est pas forcément du kufr ou du shirk qui te fasse entrer en enfer pour l'éternité. Mais ce hadith, les ulémas ont expliqué que ça veut dire que tu n'entreras pas avec les premiers. Et c'était vraiment un très mauvais trait d'être orgueilleux et d'être hautain. C'est-à-dire, lorsque tu es orgueilleux et hautain, tu n'acceptes pas la vérité. Tu la rejettes. Wallahi azbillah. Donc là, on va prendre le premier hadith de ce fossil, qui est le 101e de ce kitab. Yaqul an Abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahabba an yuzahzah anin nar wa yadkhul al jannah falyati maniyatuh wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir وَلْيَأْتِي إِلَى النَّاسِ أَلَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُوتَى إِلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui voudrait se voir éloigné du feu et rentrer au paradis, alors que la mort lui parvienne, alors qu'il croit en Allah et au jour dernier, et qu'il se comporte avec les gens comme il aimerait qu'on se comporte avec lui. Donc dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous montre comment être éloigné du feu et entrer au Jannah. Et dans un autre hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Mu'az bin Jabal, lorsque Mu'az lui a demandé « Ya Nabi Allah, arbeni an amel, yutriluni al Jannah, yuba'iduni an al-nar. » Il a dit « Oh messager d'Allah, informe-moi d'un acte qui me fera entrer au Jannah et m'éloignera du feu. » Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam « La quad salta an azim, wa inna uru yasirun ala man sahal Allahu lah. » Il a dit « Tu as demandé une chose qui est immense, mais qui peut être très facile à qui Allah Azza wa Jalla l'aura rendu facile. » Et là, il a dit « Ta'boudullaha wa la tushtiku bi shay'a. » Il a commencé pareil. Tu adores Allah et tu n'associes rien. Donc le tawhid. Et là, c'est ça qui nous est demandé. Que lorsque la mort nous vienne, nous soyons croyants. Que la mort lui parvienne alors qu'il croit en Allah au jour dernier. Dans le Coran, Allah il a dit « Wa la tamutunna illa wa antum muslimun » et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et ça, le plus important. Innamal a'mal bi khawatim, que les actes ne veulent que par leur aboutissement. C'est sur quoi tu meurs en dernier, c'est ça qui sera pris en compte. Si tu meurs sur l'islam, alors c'est la victoire pour toi si tu meurs sur un islam avec sincérité. Quand bien même tu aurais fait des années dans le kufr et que tu entres en islam ne serait-ce que quelques secondes avant de mourir, alors que tu n'es pas à l'agonie, alors cela sera pour toi la réussite. Et l'inverse, tu pourras avoir fait toute ta vie dans l'islam avec des bonnes œuvres aux yeux des gens, Allah Azza wa Jal, car il sait ce qu'il y a dans ton cœur, et quelques secondes avant de mourir, eh ben malheureusement tu effaces tout par un acte de shirk, un acte de kufr. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam wallazi la ilaha ghayru inna la ahadukum la ya'malu bi'amal al-nar hatta yakuna bayna wa bayna hayl al-zira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Il a dit par celui dont il n'a d'une divinité en dehors de lui, l'un d'entre vous fera des œuvres des gens du feu toute sa vie, jusqu'à ce qu'il soit à une coudée du feu, puis son livre le rattrape, c'est-à-dire son destin, ce qui lui a été écrit, puis le voilà se mettre à faire les actes des gens du paradis, puis il y rentre. Et l'inverse, d'accord ? Et l'inverse également, qu'il fera des œuvres des gens du paradis, puis son livre le rattrapera, et au final, il fera les actes des gens du feu, et il finira par y rentrer. Donc ce qu'il nous a demandé, c'est de mourir sur l'islam. Et une parole de Sheikh Albani qui a été grandement rapportée, il a dit, le but n'est pas d'arriver au bout du chemin. Car le chemin, il n'a pas de but. Il n'a pas de fin, on va dire. C'est un chemin, c'est toute ta vie. Mais ce qui est demandé, c'est de mourir en étant sur le chemin. Et chacun son chemin en fonction de son temps de vie. Donc en réalité, ce chemin n'a pas de fin. D'accord ? C'est pas le but d'arriver au bout. Mais le but, c'est de mourir dessus. C'est-à-dire sur le chemin de l'islam. As-sirat al-mustaqim. Ensuite, il dit وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُوتَى إِلَيْهِ. Qu'il se comporte avec les gens comme il aimerait que l'on se comporte avec lui. Et ça, c'est une parole qui amène, lorsqu'elle est appliquée, à l'équité et à la justice sur terre. Ça, c'est Aïn al-Adl. Et dans un autre hadith que vous connaissez tous, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, apporté par Anas, La yu'minu ahadukum hatta yuhib li akhihi ma yuhib li nafsihi. Aucun d'entre vous ne croira réellement, tant qu'il n'aimera pas son frère, ce qu'il aime pour lui bien. Ce qu'il aime pour lui-même, Afouane. D'accord ? Aucun d'entre vous ne croira réellement tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et dans une version, Nel Khair, du bien, qu'il aime le bien pour son frère comme il aime pour lui-même. Et celui qui médite dans ce genre de hadith et ce genre de rappel, il est censé être la personne la plus juste qu'il soit. Dans tout ce qu'il fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir plein de gens qui vous parlent, qui n'aiment pas l'injustice, ils n'aiment pas ceci, cela, ils se battent pour des causes, mais en réalité, c'est pas vrai. Car dans leur mode de vie, au quotidien, ils sont injustes envers les autres. Déjà, en premier lieu, celui qui n'adore pas Allah sans lui associer, il est déjà le roi des injustes. D'accord ? Inna shirk la zulmun azim, comme encore la ta'ala, que le shirk est une injustice manifeste. Donc le premier, la première des injustices, c'est le shirk. Et toute personne qui commet des injustices, qui commet des péchés, on va dire, aura commis une injustice. Qu'elle soit à son insu, à ses dépens, ou à celle d'autrui. Donc lorsque tu aimes pour les gens le bien que tu aimes pour toi-même, tu ne fais de mal à personne. Tu ne mens pas aux gens. Tu n'escroques pas les gens. Tu ne trompes pas les gens. Tu ne mens pas sur les gens. Tu ne médis pas les gens. Tu ne calomnies pas les gens. Tu ne frappes pas les gens. Tu ne laisses pas les gens. Tu ne les voles pas. Et encore moins, tu ne les tues. Tu ne t'en prends pas à leurs proches, tout comme tu ne m'aimeras qu'on s'en prenne à tes proches, à toi. Il y a ce fameux hadith de ce jeune homme qui voulait forniquer et qui a demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam la permission de forniquer. Et là, les sahaba, ils ont dit « Mah, mah, malahu ». Dans le sens, ils étaient choqués de sa demande. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens « Laissez-le ». Il lui a dit « Est-ce que tu aimerais cela pour ta mère ?» Il a dit « Non ». Il a dit « Est-ce que tu aimerais cela pour ta sœur ? Que quelqu'un fornique avec ta sœur ?» Il a dit « Non ». Est-ce que tu aimerais cela pour ta tante ? Il a dit non. Il a dit tout comme tu n'aimerais pas que cela arrive à ces femmes-là, alors ne le fais pas aux autres, parce que demain, si jamais tu vas forniquer, ça sera forcément soit la mère de quelqu'un, soit la sœur de quelqu'un, soit la tante de quelqu'un, soit la fille de quelqu'un. Donc tu vas faire subir à des gens ce que toi-même tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse subir. Donc les gens méditent cela lorsqu'ils font des actes. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, dis-toi que ce quelqu'un, ça aurait pu être toi. Demain, tu es un époux avec ton épouse. Comment aimerais-tu demain que ton gendre se comporte avec ta fille? Si tu prends cela en compte, ton épouse, tu veux bien la traiter. Demain, tu es une épouse. D'accord? Tu es une mère de famille. Voudrais-tu trouver ta belle-fille avec ton fils? Comment elle le traite? Bien. Eh ben, au même titre que ce mari que tu as, il a une mère. Donc, sois cette épouse pour ton mari, comme tu aimerais demain trouver une belle-fille pour ton fils. Ça va dans les deux sens. Tu as un enfant, tu aimerais qu'il t'honore, qu'il se comporte bien avec toi. Eh bien, sache que si tu as un enfant et que tu existes, toi-même, tu étais un enfant. Donc, si tu as un humain, mais tu as tes parents, comporte-toi avec tes parents comme tu aimerais que ton enfant se comporte avec toi par la suite. Et ainsi de suite. D'ailleurs, ça va venir les hadiths sur le droit des parents, Inch'Allah Ta'ala. Ça va ensemble. Et cela va t'emmener justement, forcément, à penser aux autres. Ne pas être égoïste. D'ailleurs, vous allez chez les gens du livre. Ils disent tout le temps aimer son prochain, aimer son prochain. Nous, on n'aime pas notre prochain, nous. Nous, on aime nos frères. D'accord ? Les koufars, on ne les aime pas. Maintenant, on ne les aime pas. On aimerait pour eux la guider, on aimerait pour eux le bien. Donc, on ne les laisse pas, on leur rend leur droit. Le droit que Allah leur a donné. Et ils ont moins de droit que les croyants. Mais ils ont un droit quand même. Et bien, ce droit, on leur rend. Parce que nous-mêmes, pour ceux, par exemple, qui ne sont pas nés musulmans, qui sont convertis, ou qui ne sont pas nés sur la droiture, on a aimé que des gens nous parlent, des gens nous conseillent, des gens nous indiquent. Même si au début, on n'écoutait pas. D'accord ? On n'était pas réceptif à leurs conseils. Mais un jour, qu'Allah nous a guidés, on s'est rappelé, un tel m'avait dit ça un jour, un tel m'avait dit ça un jour. Subhanallah, il avait raison. Mais à l'époque, je ne l'ai pas écouté. Tout comme demain, tu vas parler à des gens, ils ne vont pas t'écouter. Mais malgré tout, qu'ils ne t'écoutent pas, tant que tu peux leur parler, parle-leur. Et tu ne sais pas, il se peut que ta parole fasse un effet, même dans 10 ans. Quoi qu'il en soit, il a ce droit à la nasiha. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-din al-nasiha. Donc ça, c'est aimer pour les gens ce qu'on aime pour soi-même. Même si c'est des paroles, des fois, qui sont un peu désagréables à entendre, il faut le dire. Vous savez, même le fait de réfuter des gens, même de parler dur à des gens, c'est un bien pour eux. Et ça a été dit chez les salafs que Al-Sunna arhaman nas l'mubtadir hum arhamu ilayhim min ummatihim. Que les gens de la Sunna sont encore plus miséricordieux envers les gens, même les innovateurs, que leur propre mère. Pourquoi est-ce que ta mère, elle va t'élever et faire en sorte d'être bienveillante envers toi? Mais les gens de la Sunna, lorsqu'ils réfutent un innovateur, après sa mort, il sera heureux que des gens ne suivent pas son innovation, car cela va amoindrir de son châtiment. Chose que ses parents ne feront pas. Sauf si ses parents sont des gens de science sur la sunna. Donc en réalité, lorsque les gens du mal qui se font interdire du mal qu'ils font, qu'ils commettent, et que les gens mettent en garde contre eux, Yom al-Qiyama, ils seront heureux que les gens ne les suivent pas leurs erreurs. Car ton erreur, tu porteras le fardeau de ce que tu auras égaré. Donc lorsque des gens auront mis en garde contre ton mal après ta mort, même de ton vivant, mais qui continue après ta mort, eh ben tu seras heureux d'avoir moins de suiveurs qui sauveront ton mal. Et ça, même tes parents ne le font pas. Alors que les savants de la sunna vont le faire. Donc même apporter un bien aux gens ne veut pas dire apporter aux gens ce qu'ils aiment. Mais apporter aux gens ce que Allah il aime. Et des fois, les gens, et la plupart des gens n'aiment pas ce que Allah il aime. Quand tu vas interdire à quelqu'un de faire un haram, tu crois qu'il aime ? Il a envie de le faire. Ce que tu lui dis, ça le saoule, ça lui casse la tête. Il dit, laisse-moi tranquille. Ainsi de suite. D'accord ? Quand tu dis aux gens, arrêtez d'écouter de la musique, ça les saoule. Quand tu dis aux gens de ne pas se mélanger les hommes et les femmes, ça les saoule. Toutes ces choses-là que tu fais, ça saoule les gens. Les gens n'aiment pas cela. Malgré tout, pourquoi tu fais cela ? Déjà parce que tu crains Allah Azawajal, on l'espère, et parce que tu veux le bien pour eux, car tu sais que ce qu'ils font, c'est un mal. Donc c'est important de dire que tu veux pour les gens le bien et non pas ce qu'ils aiment. C'est comme les parents avec leurs enfants. Combien de fois on doit gronder nos enfants ? Peut-être même être amené à les frapper s'il le faut. Frapper, personne n'aime cela. Quelle mère aime frapper son enfant ? Quel père aime frapper son enfant ? Personne. Mais des fois, peut-être tu y es contraint. D'ailleurs, il faut le faire pour la salate. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'enfant là, il va 10 ans, il ne fait pas la salate, il faut le frapper. Est-ce que c'est agréable de le faire ? Non, mais on sait que c'est un bien pour lui. Pour qu'il comprenne l'importance de la salate. Et en d'autres circonstances, pareil. Qui est-ce qui aime se disputer avec son épouse ou avec son époux ? Personne, mais des fois, il faut. Il faut sévir. Des fois, il faut savoir mettre des postes au DI, quitte à lever le ton, pour se faire comprendre. Mais il faut que le but soit une réforme, une amélioration. Et normalement, on est tous passés par cela, on y passera encore. Mais chacun, d'accord, on se comporte avec chacun selon le droit qui lui revient. Donc là, ce qui est dans ce hadith qui est demandé, c'est si jamais tu veux que Allah Azawajal t'éloigne du feu et te fasse rentrer au Jannah, de mourir sur la foi. Premièrement. Et secondo, de te comporter avec les gens comme tu aimerais qu'on se comporte avec toi. Ça, c'est la clé de la justice. C'est la clé de la justice. Si ce hadith était pris en compte, appliqué et médité, vous auriez beaucoup moins de mal sur terre. Cependant, ne comprennent que ce qu'ils doivent comprendre, Allazina wafakahumullah wa azawajal. C'est tout, malheureusement. يقول فوائد الحديث أولا فضيلة الثبات على الإيمان وأنه من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار ce qui montre le mérite de la fermeté sur la foi et que cela est parmi les causes qui font rentrer au Jannah et qui secourent du feu ثانيا أن من علامات الإيمان أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. Et parmi les signes de la foi également, c'est que le muslim aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mais on précise qu'il aime pour lui-même comme bien. Car souvent, on aime pour nous le mal. Comme encore la Ta'ala, « Inna nafs al-ammaratun bisou » que l'âme incite au mal. Donc, on aime pour eux ce qu'on aime pour nous-mêmes comme bien. C'est très important comme condition, comme bien. Et on déteste pour eux ce qu'on déteste pour nous-mêmes, comme mal. ثالثا أن من أسباب فوز العبد ونجاته في الآخرة أن يعامل الناس في الدنيا بمثل ما يحب أن يعاملوه به. Et parmi les causes qui amènent à la réussite dans l'au-delà, c'est de se comporter avec les gens en ce bas monde comme on aimerait qu'ils se comportent avec nous. رابعا أن المرأة إذا يحب لنفسه السلامة لا يكون كالمطففين إذا كان الحق له يريد أن يصل إليه كاملا وإذا كان لغيره لا يعطيه إلا إياه كما يحب أن يعطاه هو. Et lorsque les gens aiment pour eux-mêmes justement cette justice et cette préservation, on dirait comme ça, il ne faut pas qu'ils soient comme les mutaffifin. Mutaffifin, vous connaissez dans le Coran, la surat, les fraudeurs. Wailul mutaffifin, allazina iktalu ala nas yastawfun wa iza kaluhum wa wazanuhum yukhsirun. Malheur aux fraudeurs, ceux qui lorsqu'ils on pèse pour eux, ils veulent une pesée complète, mais lorsqu'ils pèsent pour les autres, ils trichent. Quand c'est pour toi, tu veux ton droit, tu réclames ton droit. Quand c'est pour les autres, là tu deviens négligent et laxiste. Et beaucoup de gens, la plupart d'entre nous, on agit comme ça. Quand c'est pour... Pourquoi les gens là dans la rue, ils font des manifestations, ils font des grèves, ils font... Pourquoi ? C'est pour leurs droits à eux qu'ils font ça. Vous croyez quoi ? C'est pour leurs droits à eux qu'ils font ça. Les gens vous font des manifestations pour la Palestine, soi-disant d'après eux. Ils ont manifesté, d'ailleurs. Le soir d'un match de foot, ils ont tous oublié la Palestine. Tous. Par contre, quand c'est pour eux, leur droit à eux, alors là, ils sont investis, ils sont engagés. Investis et engagés. Et en réalité, la Palestine, t'as pas besoin de poser un, comme ils appellent, un kéfier pour la représenter. Tu n'as pas besoin de soulever le drapeau pour la représenter. Tu as juste à être toi-même musulman. C'est tout. Ces gens-là, ils ont quelque chose à prouver. À partir du moment où un musulman sous l'islam, on sait d'office d'emblée que tu défends la Palestine pour l'islam et pas pour la terre. Et pas pour autre chose, mais pour l'islam. Donc t'as rien à changer dans ta vie, si ce n'est de quoi ? De te rendre encore plus droit pour Allah Zawajal. Elle m'a porté un t-shirt « Fuis Palestine », ça sert à rien. Porter un t-shirt « Stop génocide », ça sert à rien. T'as rien à prouver en tant que musulman. Porter le foulard palestinien, ça sert à rien, ça. Ça, c'est des gens, ils veulent juste prouver quelque chose. Quand t'es quelqu'un sur le dîne d'Allah Zawajal, tu es forcément pour défendre la Palestine, ou défendre le Yémen, ou défendre la Syrie, ou défendre tout musulman. Car notre religion ne se limite pas à un drapeau ou à un vêtement en soie folklorique, emblème de ce pays. Normalement, les croyants, où qu'on soit, on se reconnaît entre nous. Mais ces gens-là sont des gens, en fait, à la base, ils sont pas dans la religion. C'est une défense de la Palestine qui est comme des LGBT vont le faire. Ça sera la même défense, en fait. C'est pas une défense pour la foi ou pour l'hymen. C'est juste humain. C'est noble d'avoir ça en tant qu'être humain. On ne critique pas cela. Mais étonnamment, en tant que croyant, ça va au-delà de cela. Car tu sais que le combat qu'il y a là-bas, d'accord, c'est religieux. Les Yahouds ne s'en prennent aux Palestiniens que parce qu'ils sont des musulmans. Moi, aujourd'hui, j'ai entendu, apparemment, la guerre serait censée être finie. Est-ce que c'est vrai ? Les jours nous le diront. Quand je dis le jour, Allah Azzawajal le fera apparaître dans les jours à venir. Est-ce que c'est un vrai cessez-le-feu, une vraie paix ? Mais en réalité, il n'y aura pas de paix. Il y aura un cessez-le-feu. Mais une vraie paix, il n'y en aura pas de vraie paix. Les koufars ne vont cesser de comploter contre eux. Et s'ils font ça, là, c'est qu'ils ont un autre intérêt d'ailleurs plus grand qui va arriver. Mais c'est pas une paix, ça. C'est un cessez-le-feu. Temporaire. Jusqu'à quand ? Allahu a'lam. Et c'est un soulagement. On en est content. Ça amène à ce que le peuple palestinien puisse respirer. Et une occasion également de pouvoir revenir vers Allah Azawajal. Car maintenant, là, que Allah Azawajal les soulage, il faut qu'ils soient reconnaissants. Eux et nous. Fadienzoura Kefat Armeloun, il va regarder comment on va agir. Maintenant, comment est-ce qu'on va remercier ? Comment est-ce qu'on va agir maintenant que cela est fini ? Enfin, fini, entre parenthèses, comme vous le savez, comment on va agir ? Et là, vous allez voir des réalités. Et malgré cela, nas'Allah azawajal an yansurahum wa yuthabbitahum wa yuwaffiqahum. Ensuite, on disait... c'était la dernière faïda de ce hadith. Donc je pense qu'on prendra les autres hadiths. Je vais en prendre deux, mais on va prendre qu'un seul. car les deux prochains sont liés, c'est le droit des parents et les droits des proches. Donc on les fera, et les droits des voisins d'ailleurs également. On les fera ensemble, bismillah ta'ala. فنكتفي بهذا القدر نقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته